Chapitre 17. Le duc de Saldif achevait de s'habiller pour le dîner de gala offert par le roi à l'occasion de la visite d'un souverain étranger. Il jeta un coup d'œil distrait sur la glace qui lui renvoyait l'image d'un être jeune et superbe, portant avec la plus aristocratique élégance la tenue de cour, culotte et bas de soie noire, avec les insignes de l'ordre de la jarretière. Prenant les gants que lui présentait son valet de chambre, il se dirigea vers la porte, suivi par Alary, jusque-là étendu dans un coin de la chambre, les yeux fixés sur le maître aimé qu'il avait sauvé de la mort. Dans le cabinet de travail du duc, Lord Orwilly attendait son ami et vint à lui les mains tendues. « Je venais vous dire bonjour en passant, cher. Quoi, déjà prêt ?» Oui, je veux auparavant aller voir ce pauvre Dautil qui ne se remet pas bien de sa chute de cheval. Mais j'ai encore le temps. Asseyez-vous donc, Rupert. Non, merci, mon ami. Je suis un peu pressé, ayant tout à l'heure un rendez-vous chez Lord Hawkins, mon colonel. Je me suis attardé chez Lady Dulkey, où j'ai appris une nouvelle. Miss Ludler a décroché sa couronne ducale. Vraiment, après tout, cela ne m'étonne pas. Et quel est ce fortuné mortel? Le duc de Dow. Lui-même venait d'annoncer ses fiançailles officielles à Lady Dulkey. Je m'en doutais. Il doit être à sec, en effet, et la dot de Miss Ludler sera tout à fait nécessaire pour le remettre à flot. Pitoyable personnage, dit-il en levant les épaules avec mépris. Cela se voit tous les jours, que voulez-vous, mon cher? Répliqua Lord Orwilly avec philosophie. Je le déplore comme vous, mais nous ne changerons rien à la lâcheté et à la cupidité humaine. La jeune duchesse de Dow sera parfaitement reçue par la haute aristocratie qui oubliera son origine dans le mirage des dollars paternels. Allez, je m'en vais. Amusez-vous bien à ce dîner, bonbon. Quelle corvée, Rupert! Hé, ce n'est pas toujours rose d'être duc de Saldif et pair d'Angleterre, Gérald, dit en riant le jeune officier. « Non, vous avez raison, c'est même quelquefois bien gris, » répliqua Lord Gérald, dont le regard s'assombrit soudain. Lord Dorwilly le regarda avec surprise. « Qu'y a-t-il donc, mon cher ? » demanda-t-il avec un intérêt affectueux. « Rien de particulier, Rupert. Viendrez-vous demain à la réunion de charité où doit quêter Isabelle ?»« Certes, je n'y manquerai pas. Lady Isabelle m'a fait promettre. » « Et vous seriez désolé de manquer de parole à Lady Isabelle, » dit le duc en riant. Lord Rupert se mit à tourmenter sa moustache, peut-être pour cacher le sourire ému qui entr'ouvrait ses lèvres. Puis, se décidant enfin, il se pencha et prit les mains de Lord Gérald. « Que diriez-vous, mon ami, si je lui demandais de devenir Lady Dorwilly ?»« Mais je dirais que je n'y vois pas d'obstacle et que même j'en serais très heureux. » Ma mère serait également ravie, car elle vous a en particulière affection. Oui, parlez à ma petite Bella et tâchez de bien plaider votre cause. La victoire ne sera pas très difficile à remporter, je crois, dit le duc avec une gaieté malicieuse. Lord Rupert lui serra les mains avec force. Merci, Gérald. Oui, je crois que nous nous entendons très bien et qu'elle acceptera de me confier sa vie. « Allons, cette fois je m'en vais décidément, sans quoi je recevrais une verte semonce de Lord Hawkins qui ne plaisante pas sur l'exactitude, vertu militaire. » Lorsqu'il se fut éloigné, le duc s'assit machinalement devant son bureau. L'expression satisfaite qu'avait amenée sur sa physionomie la communication de son ami venait de s'évanouir, son front se creusait subitement. « Heureux mortel, il n'a pas d'obstacle devant son rêve, » murmura-t-il d'un ton amer. « Il a choisi selon son rang, tandis que moi... » Il appuya son front sur sa main et demeura longtemps immobile, les sourcils froncés. Ainsi qu'il avait dit au père Noué, il avait fait son possible pour oublier. Il s'était plongé dans le travail, il avait rempli strictement les devoirs mondains imposés par sa position... Il s'était efforcé de se mettre dans l'esprit l'idée d'un mariage avec sa cousine Juliane. Autant que possible, il avait évité de rencontrer Magali, et cela lui avait été d'autant plus facile qu'elle agissait de même à son égard. Dans sa droiture parfaite, il avait été jusqu'à brûler le dessin de la cascade des fées, acte qui lui avait coûté un intime déchirement, mais qu'il avait résolument accompli, voulant tout tenter pour faire fuir le rêve, entrer en lui à son insu. Mais il devait reconnaître que tout était vain. Un rien venait raviver le souvenir tenace, une bruyère entrevue à la devanture d'un fleuriste et qui lui rappelait la reine de mai, et ce brin de fleurette rose impitoyablement jeté loin de lui, l'audition à un concert d'un morceau chanté l'été précédent par Magali, la vue dans une église d'une femme en prière dont l'attitude recueillie et la ferveur lui rappelaient la jeune fille telle qu'il l'apercevait au passage lorsqu'il entrait dans la chapelle d'Oker Park pour gagner son fauteuil seigneurial. Et lorsqu'il étudiait les changements à apporter sur ses domaines, lorsqu'il en causait avec Mademoiselle Amélie, il lui semblait voir devant lui celle qui avait été la silencieuse inspiratrice de la transformation opérée dans son âme de grand seigneur, indifférent aux misères des humbles. Il se figurait le joyeux rayonnement de son regard lorsque Mademoiselle Amélie lui rapportait ce qui s'élaborait, ce qui se faisait déjà pour la portion besogneuse de l'humanité dont le duc de Saldif était responsable devant Dieu. En versant sans compter l'or entre les mains de la vieille demoiselle, il songeait parfois avec bonheur qu'une partie de cet or passerait par celle de Magali, se transformant en chauvettement et en nourriture réconfortante, et qu'il procurait ainsi à ce cœur délicatement charitable une de ses plus douces joies. Hier, Freddy, qui l'entourait plus que jamais d'une tendre sollicitude, lui avait dit en souriant « Savez-vous, mon cher Lord, que je suis de l'avis de Magali, qui me disait l'autre jour « Je n'aurais jamais cru autrefois que le duc de Saldiv pût avoir un tel cœur. » Et cette simple parole lui avait causé une joie intime qui lui avait fait mesurer l'influence exercée sur lui par cette âme si purement, si hautement chrétienne et dont l'approbation était pour lui d'un prix supérieur à tous les honneurs et marques d'admiration qui lui étaient prodigués. Oui, elle lui apparaissait toujours comme le type idéal qu'il désespérait de retrouver jamais. Et voici qu'il se demandait encore maintenant s'il n'était pas fou et coupable, pour une simple question de distance sociale, de ne pas chercher à acquérir ce trésor qu'est une femme vertueuse et sage, une chrétienne brûlante de foi et vibrante de tendre charité, telle que l'était Magali, cette créature si merveilleusement douée, qui serait son aide et son conseil, sa chère compagne des bons et des mauvais jours, son initiatrice dans la voie des conseils évangéliques. L'épreuve du temps dont avait parlé le père Noué n'avait fait qu'implanter plus profondément en lui cette image charmante. Était-ce un signe que la Providence, en dépit de toutes les apparences, lui destinait Magali Dolté? Le duc de Dau se mésallie pour de l'argent, moi ce serait pour ses qualités délicieuses, ce serait pour elle, bien pour elle seule. Cependant, le monde serait capable de me blâmer, alors qu'en général, il absoudra Dose. « Mais que m'importe le monde » murmura-t-il avec un méprisant mouvement d'épaule. « L'honneur sera de mon côté. Seulement, je me demande où se trouve véritablement mon devoir. » Jem entra, apportant le courrier. Le duc prit les lettres, les jeta sur son bureau, n'en gardant qu'une seule, sur l'enveloppe de laquelle il avait reconnu l'écriture très tremblée de Lord Lowood. « Par exemple, voilà qui est curieux » murmura-t-il après l'avoir parcouru. « Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut que j'aille leur communiquer cette lettre. Ma foi, Archie ne me verra que demain. » Il sonna et dit à Jem qui se présenta « Allez demander à Mademoiselle Noué et à Miss Lolté si elles peuvent me recevoir. » Jem s'éloigna, une lueur de satisfaction éclairait son visage fort prospère. Depuis le jour bienheureux où il avait trouvé le moyen de réveiller la victime de Roswell, le pauvre paria de jadis avait été attaché au service particulier du duc et jouissait d'une faveur qui faisait bien des envieux. Mais cette situation, qui dépassait ses plus ambitieuses espérances, n'avait fait qu'augmenter dans son brave cœur la reconnaissance envers Magali, à laquelle il reportait tout ce qui lui arrivait de bon, ainsi qu'à sa sœur Maggie, récemment donnée comme aide à la vieille femme de chambre qui faisait le service de Mademoiselle Noué. et c'était toujours une joie pour l'excellent garçon de gravir le second étage d'Hawker House où se trouvait l'appartement de la vieille demoiselle et de voir, ne fût-ce qu'une seconde, l'aimable physionomie de sa chère bienfaitrice. Maggie, un peu pâlote encore, mais fort gentille avec sa robe de cotonnade rose, son petit bonnet et son joli tablier à bavette, l'introduisit dans le parloir où Mademoiselle Amélie cousait, tandis que Magali lui faisait une lecture pieuse. « Tiens, c'est Jem !» dit Mademoiselle Amélie avec un petit geste amical. « Ce n'est pas votre heure de liberté d'habitude. Qu'y a-t-il donc ?»« Sa Grâce, le duc de Staldif, demande si vous et Miss Magali pouvez le recevoir, Miss Noué. » Mademoiselle Amélie eut un léger mouvement de surprise. Plusieurs fois, Lord Gerald avait eu à l'entretenir pour les réformes qu'il entreprenait, mais il l'avait toujours rencontré chez sa mère, ou bien il lui demandait de venir dans son cabinet de travail afin de mieux lui développer ses plans. Jamais il n'était monté chez elle. Et puis, pourquoi voulait-il aussi voir Magali ? « Dites à sa grâce que nous la recevrons quand il lui plaira, Jem, » répondit-elle. Jem s'éloigna. Mademoiselle Amélie jeta un coup d'œil vers Magali. La jeune fille avait posé le livre sur une table et attirait à elle une corbeille à ouvrage. Elle était fort calme, à peine un pli très mince s'était-il formé sur son front. « Je me demande ce qu'il peut avoir de si important à nous dire pour se déranger à cette heure, aujourd'hui surtout où il y a le dîner de la cour, » fit observer Mademoiselle Noué. « Il n'est pas très tard, mademoiselle. Peut-être a-t-il un conseil à vous demander à propos de son école ménagère de Seltingham. Isabelle m'a dit qu'il s'en occupait beaucoup en ce moment, » répliqua paisiblement Magali. « Oui, peut-être. » 5 minutes plus tard, Maggie introduisait le duc que suivait son inséparable Alary. Le jeune homme prit la main que lui tendait Mademoiselle Amélie et s'inclina profondément devant Magali qui se levait à son entrée. « Ne vous dérangez pas, je vous en prie, » dit-il avec un geste de respectueuse protestation. « Je venais seulement vous communiquer un billet tout à fait singulier que je viens de recevoir de Lord Lowood. Celui-ci, comme vous le savez peut-être, est très malade depuis un mois. » Tout en parlant, il tendait la lettre à Magali, puis il s'assit sur un fauteuil que lui désignait Mademoiselle Noué. « En effet, c'est bien étrange, » dit Magali d'un ton d'extrême surprise. « Voyez donc, chère mademoiselle !» Mademoiselle Amélie prit le papier et lut. « Milord, je me sens à mes derniers moments. Le temps presse. Demandez à Mildolté et à son frère de venir me voir demain matin. J'ai toutes mes facultés, il faut que je leur parle. Et venez avec eux, Milord, je vous en prie. Je veux tout régler, je veux retrouver la paix avant de m'en aller vers l'éternité. » « Étrange !» murmura Mademoiselle Amélie. « Vous n'avez pas idée, Milord, de ce que ce pauvre Lord peut vouloir à Magali et à Freddy ?»« Aucunement, mademoiselle, je vous l'avoue. Il s'intéressait certainement à Freddy, un peu plus qu'il n'en a coutume, mais enfin, je ne vois pas. Que décidez-vous, Miss Magali ?»« Évidemment, nous devons répondre le plus tôt possible à cet appel d'un mourant, Milord. Vous conviendrait-il de vous rendre chez lui demain matin vers 10 heures ?» « Je n'y vois pas d'empêchement. Freddy manquera pour une fois son atelier. »« Bien, je ferai atteler pour 7 heures. »« Oh, nous irons très bien à pied, » dit vivement Magali. « Je n'en vois pas la nécessité, » répondit-il en se levant et en prenant distraitement ses gants qu'il avait posés sur la table. « Je vous rejoindrai chez Lord Lowood. » Il recula un peu son fauteuil et ce mouvement fit tomber le papier de soie qui couvrait le métier à broder de Magali. En se baissant pour le ramasser, il effleura du regard la large feuille de satin blanc sur laquelle une main d'artiste avait peint à l'aiguille de délicates bruyères rosées. « N'allez pas nous trahir, Milord, » dit en riant Mademoiselle Amélie. « Ceci est un écran destiné à l'anniversaire d'Isabelle. » « Ne craignez rien, je serai discret. Cet ouvrage est une merveille de dessin et de coloris. Vous avez choisi vos fleurs favorites, je le vois, Miss Magali. » « Votre grâce veut dire celle d'Isabelle. J'avoue que, pour ma part, je leur en préfère d'autres, » répondit-elle d'un ton indifférent. Il la regarda avec surprise. « Cependant, vous m'avez dit autrefois ?»« Oui, autrefois, mais j'ai changé de goût depuis lors, » dit-elle tranquillement. « Votre royauté vous a-t-elle donc laissé un mauvais souvenir ? Vous étiez ce jour-là presque exclusivement couronné de bruyères, dit-il doucement. Elle eut un léger tressaillement, mais répondit du même ton paisible. « Les fêtes de ce monde laissent souvent des souvenirs mélancoliques, milord. Cependant, ce jour-là, vous avez été entouré d'hommages, vous avez été véritablement reine, Miss Magali. »« C'est bien pour cela que j'ai souffert, » s'écria-t-elle, emportée par l'amertume que réveillait ce souvenir. « Cela ne devait pas être, ce n'était pas mon rôle. J'ai joué là, à mon insu, une ridicule parade et mon orgueil en a ensuite durement souffert, voilà tout. » acheva-t-elle d'une voix étouffée. « Votre orgueil seulement, Miss Magali. » Elle tressaillit de nouveau en entendant cette voix vibrante d'émotion, en rencontrant ce regard si souvent impénétrable et fier, en ce moment empreint d'une pénétrante douceur. Mais elle détourna les yeux sans répondre. « Pardonnez-moi cette indiscrète question. Oui, vous me la pardonnerez lorsque vous saurez, Miss Magali, avec quelle ardeur je souhaite que vous acceptiez de devenir ma femme, d'être pour toujours ma chère reine de mai. » Elle eut une sourde exclamation. Son regard incrédule, presque effrayé, se leva sur lui qui se tenait devant elle, sa haute taille respectueusement courbée, une expression d'attente anxieuse dans ses yeux bruns. « Milord, mais vous savez bien que c'est impossible » s'écria-t-elle d'une voix oppressée. « Impossible? Et pourquoi donc ?»« Parce que tout vous sépare de moi. » Rien que la différence du rang, mais cela se comble de nos jours surtout, et j'ai pensé qu'il était fou, pour si peu de choses, de laisser passer le bonheur. N'ai-je pas raison? Dites, Miss Magali. » Magali, très pâle, eut un mouvement de tête négatif. Sa gorge était tellement serrée qu'il lui semblait impossible d'en faire sortir un son. « Non, vous n'admettez pas cela !» s'écria-t-il d'une voix altérée. « Vous, si pieuse, si pénétrée du néant des vaines distinctions humaines, vous encouragez ainsi mon orgueil aristocratique qui a lutté si longtemps contre mon cœur et doit enfin s'avouer vaincu. » « Je n'encourage rien, milord, » dit-elle avec une fierté triste. « Mais je considère tout d'abord qu'une telle mésalliance de votre part risquerait de vous amener des regrets, involontaires sans doute, mais qui me causerait à moi des blessures que je ne me sens pas le courage de supporter. »« Des regrets? Vous n'avez donc pas confiance en moi? En moi qui pensais que vous m'accorderiez votre estime, peut-être aussi un peu d'affection ?» s'écria-t-il douloureusement. Les mains de Magali, d'un mouvement involontaire, se froissèrent l'une contre l'autre. « J'ai en vous la plus absolue confiance, je n'estime personne plus que vous, et je sais que vous me parlez en toute sincérité. Mais la sagesse nous fait un devoir d'oublier ce rêve, milord. La pauvre Magali Dolté, l'enfant élevé par charité et dont l'origine maternelle demeure inconnue, ne peut devenir l'épouse du duc de Saldif. » « Je n'en juge pas ainsi, moi » s'écria-t-il d'un ton de révolte. « Mademoiselle Amélie, dites-lui qu'elle exagère et qu'elle n'a pas le droit de briser ainsi notre vie. »« Elle a raison, milord, » répondit mélancoliquement Mademoiselle Noué. « La distance est trop grande entre elle et vous, et son âme si délicate souffrirait de la crainte même d'un regret de votre part ou de celle de vos proches. » Ma mère acceptera les yeux fermés le choix de son fils, Isabelle sera ravie, les autres, peu m'importe. D'ailleurs, je suppose que Miss Magali est de toute façon supérieure à Miss Woodler. Or, celle-ci vient d'être fiancée au duc de Dow. Pensez-vous donc que ce mariage sera heureux, milord ? Dit Magali. J'en doute fort, car la cupidité est le mobile de l'un, l'ambition celui de l'autre. Mais il n'en serait pas ainsi pour nous. Un amour réciproque, appuyé sur des sentiments chrétiens, comble les distances, Miss Magali, alors que les millions n'en font que le simulacre. « Non, c'est impossible !» dit-elle, les lèvres tremblantes, en détournant les yeux de ce regard où elle pouvait lire l'absolue sincérité de ses paroles, en même temps qu'une prière anxieuse. « Alors, je me suis donc trompée en croyant que vous pourriez m'aimer un peu ?» dit-il, les dents serrées. Sans cela, vous passeriez sur toutes ces considérations, vous ne m'imposeriez pas cette souffrance. Voici des mois que je lutte contre moi-même, et au moment où je me croyais au port, votre inexorable fierté vient m'en éloigner. Mettons que ce soit de la fierté, milord, mais c'est aussi mon devoir. Vous avouez vous-même que vous avez dû lutter. Pourquoi, si ce n'est qu'une telle union vous semblait incompatible avec toutes vos traditions, tous vos principes aristocratiques? Si ce n'est que vous la jugiez alors, avec raison, absolument impossible. Aujourd'hui, vous cédez à une impulsion, vous êtes généreux et désintéressé au-delà de toute expression, mais moi, je ne puis accepter. Ah ! S'écria-t-il d'un ton vibrant de douloureux reproches, c'est que vous doutez de mon cœur, c'est que vous ne savez pas ce que vous êtes pour moi. Milord, je vous en prie, murmura-t-elle. Il la vit toute pâle, toute frémissante, et comprit qu'il la faisait souffrir, qu'elle luttait contre son cœur, mais que sa raison l'emporterait dans ce combat, car Magali ne passait jamais sur ce qu'elle considérait comme son devoir. « Pardonnez-moi mon insistance, mais si vous saviez ce que me fait endurer votre refus, au moins réfléchissez, donnez-moi votre réponse définitive dans quelques jours. » « À quoi sert de retarder? Mieux vaut que cette question soit définitivement réglée, » répondit-elle d'une voix altérée. « Magali, Lord Gérald a raison. Il faut toujours réfléchir, mon enfant, » intervint Mademoiselle Noé. « Vous avez été saisie par la demande inattendue qui vient de vous être faite. Il faut avoir à loisir, sous l'œil de Dieu, où se trouve véritablement votre devoir. »« Soit, » répondit-elle d'un ton las. « Dans 3 jours, si votre grâce le veut bien, je lui répondrai définitivement cette fois. » Freddy entra, un carton à dessin sous le bras. Le duc, d'une voix qui avait peine à recouvrer son calme, lui fit part de l'énigmatique convocation de Lord Lowood. Le jeune homme s'exclama, très intrigué, et acquiesça aussitôt à l'heure choisie pour le lendemain. « Vous me rendrez service en répondant à mon nom à Lord Lowood, mon cher Fred, » dit Lord Gérald. « J'ai tout juste le temps de partir si je ne veux pas arriver en retard. » Il salua les deux dames et s'éloigna, reconduit par Freddy. Mademoiselle Amélie prit les mains de Magali et attira à elle la jeune fille. Le beau visage pâli, un peu contracté, tomba sur son épaule. Magali se mit à sangloter tout bas. « Ma petite chérie, Magali, peut-être outrez-vous la fierté? Avec lui, je crois que vous n'auriez pas à craindre de froissement, car il est si noble, si délicat, et il vous aime tant. »« Oh, ne me dites pas cela! Ne me dites pas, mademoiselle Amélie! Vous m'ôteriez tout mon courage! Ce mariage est impossible, convenez-en, chère bonne amie! C'est une folie de sa part d'y avoir pensé! » « Mais il va falloir encore travailler à recouvrer le calme, et ce sera long et difficile, parce que je me dirai toujours que c'est moi qui n'ai pas voulu, c'est moi qui lui ai dit non » murmura-t-elle dans un sanglot. Ce soir-là, au repas de gala de Sa Majesté, le duc de Staldif montra une mine distraite et presque sombre, qui fut remarquée de tous et lui attira plus tard un amical reproche de la part de son souverain, qu'il avait en particulière estime. Nul ne se douta de la raison qui mettait cette tristesse dans le regard du jeune duc. Non, nul ne pouvait penser que ce mortel comblé de dons de la fortune, appelé par sa naissance, ses facultés supérieures et la faveur royale aux plus hautes situations, n'ayant qu'à choisir une compagne parmi les plus nobles et les plus riches, venait de se voir refuser par une jeune fille obscure et pauvre. Et, tandis qu'il s'appliquait à soutenir la conversation avec sa voisine de droite, une toute jeune altesse royale étincelante d'esprit, il revoyait le petit parloir de Mademoiselle Amélie, éclairé par la lampe voilée de rose, et, sous la lumière, la tête blonde de Magali, ses yeux veloutés où passait une pénible angoisse, un regret douloureux, mais aussi une résolution inébranlable. « Elle ne voudra pas, non, elle n'acceptera jamais, » pensa-t-il avec désespoir. « Mais pour cela même, je suis obligé de l'admirer davantage, » mais aussi je dois regretter plus que jamais de ne pas posséder cette perle de sagesse et de beauté morale.